Bonjour, épisode 3 du podcast des loulous. Salut les loulous. Salut. Salut. Alors, vous me dites salut à moi, mais on dit bonjour à nos fans aussi. Il y en a au moins 10. Hein. Vous voudriez qu'il y en ait combien, vous? 10 000. 10 000? Et toi, Lou? Combien tu veux de fans? 1, 2. 2, 2 000? 2 000, ce serait bien, comme déjà. Comme ça. 2, ouais, avec 3 zéros derrière. Alors, on va peut-être se présenter aujourd'hui, parce qu'on l'avait fait hier, mais hier, on a eu un petit problème technique. On va présenter tes doudous aussi. On va présenter tes doudous aussi. Alors, toi, tu t'appelles comment? Ellie. Et tu as quel âge, toi, Ellie? 6 ans. Et tu es en quelle classe? CP. CP? T'es déjà un grand, toi. Et toi, Lou, tu as quel âge? C'est 1, 2, 3, 4. Ouais, on va s'arrêter là, 4 ans je crois. Hein. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Et tu es en quelle classe? Maternelle. Ah, en maternelle, en petite section. Et alors, tu as deux doudous avec toi qui vont travailler avec nous ce soir. Ils s'appellent comment tes doudous? Titi et Souris. Titi et Souris? Comme toi alors, toi tu souris? Ouais. Ouais. Donc hier, on avait fait notre épisode, mais on a eu un petit problème technique. Et en fait, c'est de la faute de papa qui s'est trompé en montant l'épisode. On avait parlé de quoi hier? Ça fait combien de jours qu'on fait l'école à la maison? 4. 4 jours? Ça fait 4 jours que vous n'allez pas à l'école? Ah, c'est pas normal ça. Mais... à cause du coronavirus. Attendez que je croise vos parents, je vais leur dire. À cause du coronavirus. Alors justement, hier, toi, t'as fait un petit dessin. C'est ton maître qui avait demandé qu'on fasse ce dessin. Ouais. Il y avait quoi au début sur le dessin? Des bulles. Il y avait des bulles et il fallait continuer le dessin. Et à quoi t'as pensé, toi? À mettre ma famille. Ouais. Dans les bulles. Il y a quelqu'un qui te l'a soufflé, ça? Non, je l'ai su par ma tête. C'est vrai, tu l'as su par ta tête. Ouais. T'as pensé à ça comme ça? Moi, j'aurais fait un poisson. J'aurais fait un petit garçon qui fait des bulles avec un appareil à faire des bulles. Et toi, t'as fait... papa, maman, Lou et toi dans une bulle? Ouais. Ouais, ça ressemble un peu à la situation d'aujourd'hui, ça. Ouais. Ouais, donc tout le monde reste chez soi. Ouais. Alors on a de la chance, on a un jardin. Du coup, ouais. Vous avez pu... aller dehors. Aller dehors et même parler un petit peu avec... Raphaël. Avec Raphaël. Alors, mais on reste à distance. Oui. Ouais. Chacun dans son jardin et on peut discuter un peu. Donc en plus, on peut aller un petit peu dehors. Et... on a goûté dehors et on a joué à la balançoire dehors. Et pourquoi on a pu faire ça? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dehors? Il y avait du soleil en après-midi. Et du coup, il y avait même quoi? On les entend encore, là? Les rouges-gorges. Des rouges-gorges, des oiseaux. Et donc, demain, on fera notre podcast dehors avec les oiseaux. Ça vous va? Ouais, ouais. On dit bonsoir tout le monde? Bonsoir. Bonsoir. Et à demain. À demain. Et à demain.